Ils commencèrent par gagner les bords de la Seine. Ils voulaient lui montrer comment le soleil joue avec l'eau. Ils s'assirent sur un banc. Elle retira ses chaussures et replia ses jambes contre elle. Sa position, loin d'être vulgaire, n'en était pas pour autant innocente. De toute manière, à cet endroit, la largeur du fleuve était telle qu'il aurait été impossible à quelqu'un se trouvant sur l'autre berge de distinguer ce qu'elle portait sous sa petite jupe bleue. Elle le savait. Lui le supputait. Il avait envie de voir. De la place où il se trouvait, c'était irréalisable. Il ne voulait pas la caresser, juste la regarder. Il lui demanda de rester dans la même position, mais de faire un quart de tour vers lui. Elle comprit. « Je voudrais d'abord faire quelque chose, sans me tourner vers toi. Tu es d'accord ?» Lentement, et sans lui laisser le temps de répondre, elle ouvrit les jambes et commença de manière totalement indécente de se caresser. Son majeur gauche frottait son clitoris, tandis que l'index et l'annulaire de la même main écartaient ses lèvres. Sa cyprine rendait son string de plus en plus transparent. L'homme était excité et cela se voyait. Il ne disait rien, ne se touchait pas, mais son souffle était précipité. Il avait envie de la mater, et elle, elle avait envie de le chauffer vraiment. Elle savait les effets que ses caresses auraient. D'abord sur elle, parce qu'elle mouillait de plus en plus, ensuite sur lui, parce que se masturber en live et se liquifier sous ses yeux, ce qui n'allait pas tarder à arriver, ce serait exactement et certainement un beau cadeau qu'elle pourrait lui faire. De temps à autre, elle fermait les yeux, savourant l'instant. Elle effleurait alors sa poitrine de manière très légère. Elle n'aimait pas ses seins. C'était quelque chose qu'il aurait à lui apprendre, apprivoiser le plaisir procuré par cette partie de son corps. Elle continuait en soupirant. De temps en temps, elle écartait le string de sa fente, en continuant de titiller son bouton. Cela la chauffait tellement qu'imperceptiblement et très lentement, elle fit le quart de tour dont il lui avait parlé et se retrouva face à lui. Ses doigts étaient trempés. Elle commença de se servir de sa main droite, dont elle enfonçait gentiment l'index dans sa vulve. Elle avait toujours son string. Celui-ci était imbibé de sécrétions. Elle continua de se frotter de plus belle, de sentir sa mouille lui couler. Entre ses cuisses, elle adorait ça. Elle planta ses yeux dans ceux de l'homme. Celui-ci la regardait fixement, comme hypnotisé par cette main qui bougeait si vite, si efficacement, et par le sous-vêtement transparent de mouille. Ensuite, après avoir fait jouer la lisière de son string à l'entrée de sa chatte, elle le fit s'enfoncer entre ses lèvres. Celle-ci était gonflée, rouge, épilée juste comme il aimait. Un joli triangle de poils pubiens blonds et fins, mais les lèvres imberbes. Il respirait plus fort et disait entre ses dents « Oui, ça m'excite. Continue, tu me fais bander. J'ai envie de goûter ta mouille, ma petite vicieuse. » Mais il fallait encore attendre. Il n'était pas question de s'exhiber ici, sur le quai de la Seine. Il avait envie de la prendre, mais au final, cette balade ne faisait qu'exacerber leur envie. Lentement, elle retira son string trempé, le lui tendit et lui fit signe de le respirer, puis de le mettre dans la poche de son jeans. Ce qu'il fit. Ils reprirent alors le chemin du retour. Elle, les fesses à l'air, lui, la main gauche dans son cou et la droite dans sa poche. Il jouait alternativement avec le sous-vêtement rempli de mouille et avec le bout de son sexe qu'il pouvait toucher discrètement et qui avait du mal à rester contenu dans son boxer. Elle était simplement comme il l'avait espéré. Cette relation épistolaire intellectuelle allait se transformer en une partie de baise comme il n'aurait peut-être plus l'occasion d'en connaître. C'est en pressant le pas qu'ils atteignirent finalement l'appartement de l'homme. Ils ne s'étaient pas embrassés. Il fallait encore attendre, même si la chaleur les avait gagnés tous les deux. Ascenseur, premier étage. Je dois faire pipi. Il frémit à l'idée de ce qu'il allait lui demander. Le faisait-elle exprès? Salle de bain. Mets-toi dans la douche et laisse-moi te regarder pendant que tu... C'est gênant tout de même, non ? Ne me regarde pas. Ferme les yeux et continue juste de te caresser pendant que tu fais pipi. Tu veux bien ? Elle ôta ses chaussures et sa petite jupe. Elle s'était retenue trop longtemps. Cela ne dura pas plus de quelques secondes et cela eut un effet soulageant très intense. Elle aima la sensation de l'urine chaude qui coulait entre ses jambes. Le fait que ses doigts reprennent leur va-et-vient sur son clitoris accentua le plaisir et puis, un peu honteuse, elle redescendit. Elle regarda la main de son partenaire de jeu qui s'était emparé de son membre et qui coulissait lentement. Il fallait que cela monte encore un peu. Elle lui demanda une serviette éponge et après s'être lavé le sexe et le haut des cuisses, se sécha juste un peu le pubis. Elle ne voulait pas que sa Cyprine soit gaspillée de cette manière. Elle lui dit qu'elle voulait lui offrir un joli moment et qu'elle aurait aimé qu'il la laisse quelques minutes seule. Elle voulait se changer. Il regagna donc la pièce à vivre pendant qu'elle se maquillait et se changeait. Elle avait pensé à une tenue très sage. Enfin non, ce n'était pas le terme, bien sûr, de la lingerie blanche, cela n'avait rien de particulièrement osé. Ce qu'il était, ce serait la manière dont elle s'en servirait pour l'exciter. Et puis, il y avait aussi ses jouets qu'elle avait emportés sans savoir si elle allait en user, en abuser ou pas. Elle voulait que le moment tant attendu soit parfait. Je suis prête. Il connaissait son goût. Ils avaient échangé à ce sujet plus d'une fois, pour la masturbation au creux des draps. Comment elle pouvait s'envoyer en l'air avec quelques mots murmurés ou des audios glanés sur le net. Elle connaissait son appétit des jeunes filles en fleurs, à initier, des collégiennes aux culottes petits bateaux, ingénues et vicieuses. Elle espérait pouvoir le combler parce qu'il n'était pas dans ses habitudes de jouer les saintes nitouches. Oui, elle aimait aguicher, mais elle avait tout de même plus de 20 ans. Elle se planta donc, juste vêtue d'un string blanc pur et virginal, avec quelques petites broderies bleu clair et un soutien-gorge assorti. Un joli modèle balconnet qui contenait sans mal ses petits seins. Pas plus gros que des clémentines. Sa peau brunie par le soleil contrastait avec l'ensemble, adorablement craquant. Elle l'attendait. Il franchit la porte. Pendant qu'elle s'était changée, il en avait profité pour faire un passage à la salle de bain. Il sentait bon le bain-douche et ses cheveux étaient encore un peu humides. Il s'assit sur une chaise, face à lui, et lui demanda s'il pouvait lui donner des ordres. Il ne voulait en rien qu'elle se sente soumise à ses désirs. C'était plutôt des conseils pour qu'ils soient chacun excités le plus possible, que cela dure longtemps et qu'au final ils jouissent très intensément. Il était assis donc, elle était debout. Lentement, elle recommença de se caresser le bouton au travers de son string. L'excitation la gagna plus rapidement. Cette fois, ses mouvements étaient plus libres. Plus de risque d'être surprise par des voyeurs, plus de crainte de se faire repérer à l'odeur. Elle voulait s'offrir et offrir du plaisir à son amant. Elle refit jouer son string dans sa fente, la découvrant, la recouvrant, mais ne l'ôtant jamais. Elle prenait un peu de sa mouille sur un de ses doigts droits et la déposait en petits cercles sur son ventre. Elle le voyait respirer de plus en plus vite. Vicieuse, petite vicieuse. C'est bon ça. C'est joli. J'adore ça. Ils n'avaient pas échangé si longtemps par courrier postal. Elle aurait pu imaginer qu'elle était face à un pervers, très allumé par les jeunes filles et très désireux de prendre son pied en leur demandant un tas de choses cochonnes. Elle savait qu'outre les apparences, il voulait surtout que le désir et le plaisir soient au rendez-vous pour elle. Tire sur ton string que je vois bien ta fente. Tes lèvres maintenant. Et vas-y, n'aie pas peur, un doigt dans ta chatte et un doigt dans ton petit trou du cul. Avec ce que tu t'es déjà paluché, tu dois te tremper, non ? De fait. C'était exactement cela, Une large coulée de mouille s'étalait à présent dans son string. Il était peut-être temps de l'ôter. Délicatement, elle le fit descendre le long de ses jambes et le contempla. D'un coup de pied, elle l'envoya atterrir sur les genoux de son partenaire, qui le prit et le porta à son nez. Un petit de contentement. C'était vraiment ce qu'il chérissait. Lentement, mais ça, c'était davantage pour elle, elle fit tomber les bretelles de son soutien-gorge en regardant les mois provoqués. Il était toujours assis en face d'elle. Le pantalon et le boxer baissaient un peu plus bas que les genoux et son string à elle, dans sa main gauche, roulé en boule et près de son nez. Il se baffrait de l'odeur qui s'en dégageait. De sa main droite, il avait commencé de se masturber lentement. Il s'imaginait dans son cul. Il s'imaginait enserré, prisonnier, captif de ce petit passage étroit. S'il la pénétrait en levrette, il serait certain qu'il ne devrait pas faire de grands mouvements pour toucher le fond. De concert, ils se caressaient. Ils aimaient cela, la masturbation simultanée. Cela leur permettait de se laisser aller à fantasmer, c'était délicieux. Inoffensif, parfois violent, mais toujours très bon. Ils parvinrent à un premier orgasme, doux, simplement doux et léger. Il s'approcha du lit, se mit sur le dos et lui demanda de l'enjamber et de venir déposer son sexe trempé sur sa bouche. Il avait envie de la goûter tellement. Elle s'exécuta sans se faire prier, heureuse de lui faire autant d'effet. Il commença par lui lécher le clitoris de sa langue agile. Ensuite, il passa à sa vulve, en imaginant que quelques minutes plus tard, il s'occuperait de son anus avec autre chose que sa bouche ou ses doigts. Puis, comme pour en finir, il la fit se coucher sur le lit, les cuisses ramenées contre son buste. Se remettant debout, il joua avec sa rosette, la titillant du bout de son sexe, faisant passer son gland entre ses fesses. Il filait et leurs fluides commencèrent de se mélanger vraiment. Le jeu ne dura pas plus de 5 minutes. Il la sentait très réceptive et très ouverte. Il lui fit écarter les jambes d'un coup et la pénétra avec force. Puis, il la pilonna, encore et encore, profondément, amplement, d'abord l'anus, ensuite le sexe. Elle pleurait, tant l'afflux des sensations était vif. Elle dodelinait de la tête, il aimait la voir perdre tout contrôle. Cela le rendait fou, ivre de désir pour cette petite chose fragile mais si déterminée et si forte finalement. Et puis et surtout, il avait envie de voir ses yeux saphir se voiler. Sa poitrine se soulevait de plus en plus vite. Il finit par décharger, presque silencieusement, mais elle sentit son membre se raidir plus encore et investir totalement son vagin, et puis après, juste après, ressortir d'elle pour éjaculer tout son sperme sur son ventre. Il était doux, liquide et abondant. Ensuite, elle se servit à nouveau de ses doigts à elle pour arriver à l'orgasme. Elle se branlait le clitoris et la jouissance arriva au moment où elle prit un peu de sa mouille pour la mélanger au sperme de son amant et s'en badigeonner les seins. Ils reprirent leur souffle. Leur bouche était sèche, tant ils avaient inspiré par là. Ils s'embrassèrent, mêlant leur langue, leur salive et ce qu'elle avait sur les doigts, divin mélange de leurs sécrétions. Ils se sourirent et leurs sourires se transformèrent en véritables éclats de rire. Il faisait noir à présent. La nuit était tombée, on était en mai, il faisait doux. Il ferait peut-être une promenade, main dans la main, sans autre projet qu'un moment tendre. Ils étaient repus du plaisir qu'ils avaient pris et donné à l'autre, ils étaient bien. Demain soir, ils se sépareraient, ils reprendraient chacun le cours de leur vie à des kilomètres l'un de l'autre. Ils recommenceraient leurs échanges de lettres, qui sur du papier verger, qui sur des feuillets fleuris spécial origami. Eulalie et Noël.